Chapitre 35e, le renard pris au piège. Pendant ce temps, l'illustre Perpignan, inquiet de ne plus recevoir depuis longtemps de lettres, de billets de la fidèle Zélie, se croyant maintenant tout à fait abandonné, continua à purger sa peine, comptant les mois, se demandant ce qu'il ferait à sa sortie de prison, où il irait, quel serait son sort. De temps en temps, il recevait une lettre mystérieuse, contenant peu d'argent pour adoucir sa peine, et un refrain de chansons comme celui-ci venu en hiver. C'est la froide saison, zonzon, reste chaud dans ta maison, zonzon. Bouchancœur reconnaissait la main qui lui envoyait la lettre, et il reprenait courage. « Clouteau, mon bon Clouteau, disait-il, c'est lui qui me dit que les aides, que le maître, que Zigomar, enfin, ne m'abandonne pas, ne m'oublie pas. » Bouchancœur, cependant, savait que sa fidèle Zélie n'était pas arrêtée, car on lui fait, lui, comparaître pour une confrontation au moment de son interrogatoire. Il ne s'inquiétait plus que de savoir s'il la retrouverait à sa sortie de prison. Là encore, il se disait que Clouteau, que Zigomar, lui viendrait certainement en aide. Bouchancœur soupirait après le jour de sa libération, et avec confiance, il se chantait une chanson composée par lui dont le refrain disait « Mon pauvre cœur est en pâmoison, zonzon, car mon exéate est à l'horizon, zonzon. » Quant au comte de Saint-Rion, il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour découvrir la trace de sa fille, de Paulette. Il ne lui suffisait pas de savoir que la police officielle s'occupait de rechercher l'enfant et la paysanne qui l'avait emportée. Il s'aboucha avec des agents de police privée. Il promit des primes à qui lui dirait où se trouvait la fillette, à qui la lui ramènerait. D'un autre côté, en tant que Zigomar, il lança ses hommes à la recherche de la belle bourbonnaise. Mais les aides jamais ne découvrirent la brave petite rentière des Batignolles ou ne reconnurent pas en elle la femme de Bouchancœur. Puis ils s'attachèrent à chercher la belle Zélie dans la banque, parmi les forains, et ne poussèrent pas leurs investigations hors de France. Or, précisément, Zélie eut grand soin d'éviter les gens des foires et s'empressa de sortir de France. Maintenant qu'elle roulait sur les grands chemins, elle demeurait en dehors des recherches des affiliés des aides, qui purent la croire même à l'ombre, en villégiature, dans quelques prisons-palaces, comme son illustre époux. Bref, Clouteau, Alexandre Zigomar, dut attendre que le hasard lui livra la belle bourbonnaise. Lui, il menait la vie de l'homme accablé par la fatalité. Il demeurait enfermé dans sa douleur, dans son deuil, et il eut une conduite digne de tous les éloges, une façon de vivre qui aurait dû lui attirer cette sympathie que l'on sentait cependant s'écarter de lui. De son appartement, il ne sortait que pour faire des courses d'affaires, pour aller à Mantes, puis au Ravenel, prendre des nouvelles de Madeleine, la voir, essayer de lui parler doucement, de se faire reconnaître, de réveiller en son cerveau malade les souvenirs d'autrefois. C'était toujours en vain. Madeleine s'obstinait à ne rien vouloir entendre, à ne pas reconnaître celui qui affirmait avoir été tant aimé d'elle. Cependant, les malins, si malins qu'ils soient, sont parfois victimes de leur propre malice. Voulant trop bien faire, Zigomar s'était lui-même pris à ses précautions exagérées, comme un renard au piège. En effet, Armand de Saint-Rion, le vrai, ne possédait en somme qu'une fortune assez modeste. Ce qu'il avait gagné en Amérique ne constituait pas une de ces fortunes qui peuvent satisfaire un appétit comme celui de notre Forban. Par contre, la fortune que cette bonne Madame Berton, la parente de Madeleine, la marraine de Paulette, avait laissée à sa filleule était considérable, nous le savons. Mais Madame Berton, gardant rancune à Madeleine de l'avoir trompée, avait légué sa fortune à Paulette, sa filleule. L'enfant ne pourrait toucher cette fortune qu'à sa majorité. Madeleine, sa mère, le comte de Saint-Rion, son père, n'en auraient que l'usufruit. Le capital ne pouvant être réalisé pour former la dot de l'enfant qu'à la majorité de Paulette. Quand Alexandre Clouteau prit connaissance de cette clause testamentaire, il se dit avec dépit « Je suis roulé ». L'affaire, en effet, n'apparaissait plus aussi belle qu'il la croyait jusque-là. Armand, le vrai comte de Saint-Rion, n'avait pu, en Amérique, faire part de cette disposition à son fidèle valet de chambre Alexandre, puisque lui-même l'ignorait. Ce n'est qu'à Paris, chez le notaire de Madame Berton, d'où il avait retiré les divers papiers concernant cette succession, qu'il avait eu connaissance des dernières volontés de cette parente vindicative. Par cet acte, le comte de Saint-Rion, père de Paulette, donc tuteur légal, devait administrer seulement la fortune de l'enfant. Cependant, avoir la possession entière ou la jouissance absolue de la fortune n'offrait pas grande différence, en vérité, et le vrai comte de Saint-Rion n'y attachait aucune importance. Mais pour Zigomar, le cas devenait très embarrassant et prenait une gravité extrême, car pour gérer, posséder en quelque sorte cette fortune, il fallait absolument, aux yeux du notaire, exécuteur testamentaire de la bonne parente, deux conditions essentielles, inéluctables. D'abord, être le mari de Madeleine selon la loi française, et non pas seulement selon la loi anglaise. Secondement, présenter Paulette. Or, voici que le mariage de Madeleine, contracté en Angleterre, ne pouvait être légalisé en France, Madeleine ayant perdu la raison. La loi française n'admet pas le mariage d'un aliéné. Et Paulette, de plus, avait disparu. « Je me suis volé moi-même, » se disait Alexandre avec rage. « Je ne pourrais toucher cet argent, entrer en possession de cette fortune. » Il eut une entrevue à ce sujet avec le notaire. Le notaire fut formel. « Je dois m'en tenir aux dispositions testamentaires, » déclara-t-il. Aux objections de Zigomar, il répondit imperturbablement « Je garderai la fortune, laissant les intérêts s'accumuler jusqu'au jour où Madame la comtesse de Saint-Rion me présentera sa fille. » Alexandre ne crut pas pouvoir insister davantage sans éveiller les soupçons de cet officier ministériel scrupuleux et inflexible. Aussi se lança-t-il avec acharnement à la recherche de Paulette. Mais qui pouvait reconnaître la jolie Paulette dans le misérable garçonnet dans Chiffon ? D'un autre côté, le comte de Saint-Rion vint à diverses reprises, nous l'avons dit, au Ravenel, sans succès. Cependant, il ne voulut pas s'en tenir là. Il se fit accompagner par des spécialistes, des médecins éminents, s'occupant des cas de folie. Or ici, il lui fallait des hommes connus, des savants ne faisant pas partie de ses aides, et il ne pouvait faire pression sur leur esprit, leur dicter une déclaration, sans voir leur conscience se révolter, sans provoquer un scandale épouvantable qui fût retombé sur lui. Les hommes de science, qu'accompagnait chaque fois le bon docteur Lobel, étudièrent Madeleine longuement, sérieusement. Leur avis fut que la jeune femme était réellement démente, qu'elle était affiliée d'une folie calme et tranquille, et qu'en somme, n'ayant pas conscience du grand malheur qui la frappait, elle vivait très heureuse. Mais tous s'opposèrent absolument, formellement, au mariage de Madeleine et du comte de Saint-Rion. Cette union n'était pas possible, c'était aller contre la loi. Il fallait donc laisser Madeleine ainsi. Le comte se désola. N'y a-t-il aucun espoir? Ne pouvez-vous me laisser entrevoir une lueur d'espérance? Me promettre que plus tard, au bout d'un an, de deux ans, plus tard, Madeleine recouvrera la raison, que je pourrai enfin en faire légalement ma femme? Les médecins ne voulurent pas s'engager. Nous constatons l'état présent de la malade, nous ne pouvons rien dire pour l'avenir. Une fièvre, un mal quelconque, ont des phases que nous connaissons, que nous prévoyons, mais la démence échappe à tous nos pronostics. Cette malade peut rester ainsi jusqu'à la fin de ses jours, de même qu'il est possible que tout à coup elle recouvre la raison. Ne serait-il pas bon de lui faire suivre un traitement? Lequel? Le comte de Saint-Rion reprit. Je ne sais pas, mais ici, quelle que soit l'affection, le dévouement dont on entoure Madeleine, il lui manque ces soins spéciaux qu'elle recevrait dans une maison de santé. Les docteurs hochèrent la tête. Non, firent-ils, il n'y a aucun soin spécial à lui donner. Ici, elle a tout ce qui peut contribuer à son bien-être. On l'aime, on la soigne comme l'enfant chéri. Elle a le grand air, le soleil, la liberté. Pourquoi vouloir l'enfermer, la priver de tout cela, de tout ce que précisément nous recommanderions pour elle? Le comte s'exclama. Ah, c'est que je voudrais tenter l'expérience. Je voudrais la voir soignée autrement, voir si un traitement plus précis, plus scientifique ne la guérirait pas. Non, firent les docteurs. Je vais essayer quand même. Le vieux père Porphyre interrompit alors le comte. Vous n'en avez pas le droit, monseigneur, fit-il gravement. Le comte se redressa, surpris. Comment pas le droit? Aucunement. Mais Madeleine est ma femme. Elle est ma fille aussi. Le vieillard, avec véhémence, ajouta. Il est possible que Madeleine vous ait aimé, que vous soyez le père de son enfant. Mais tous vos droits s'arrêtent là. C'est le plus important, il me semble. Non, tant que Madeleine restera dans ce douloureux état, vos droits ne pourront pas aller plus loin. Les miens, au contraire, sont plus forts. Les vôtres, je ne les vois pas. Madeleine m'a été confiée dès l'enfance. Nous l'avons eue chez nous comme notre fille. Nous l'avons élevée. Devenue mère, c'est chez nous qu'elle est venue chercher un refuge. Chez nous qu'elle a appelé ses parents. Chez moi, son grand-père. Et maintenant qu'elle souffre, vous voudriez, malgré l'avis des médecins qui vous disent qu'on ne peut la soigner mieux ailleurs, vous voudriez nous l'enlever, nous la prendre? Mais dans le but de la guérir, mon ami. Non, c'est impossible, on vient de vous le dire. Si Madeleine recouvre la raison, c'est ici qu'elle se réveillera, parmi nous, ou avec tant de confiance, elle sommeille. D'ailleurs, nous ne la laisserons pas prendre. Nous ne la laisserons pas enfermer dans une maison de fous. Cela, non, monsieur, non, jamais. Mais la loi est pour moi. La loi. Eh bien, invoquez-la, monsieur le comte. Faites appel à la loi. Nous verrons si derrière le code inflexible, il n'y a pas le cœur des magistrats pour nous donner raison à nous, les simples braves gens. Le comte dut céder. Il comprit qu'il ne pouvait pas insister. Et il cacha son dépit sous des phrases de reconnaissance pour les bons soins qu'on prodiguait à sa chère Madeleine. Il prétendit qu'il ne cherchait que le bien de la malade et qu'il espérait seulement la voir guérir plus tôt. « Oui, vous avez peut-être raison, mon ami, » dit-il au père Porfilet en lui prenant les mains. « Oui, vous avez raison. Il est moins nécessaire d'entourer Madeleine de soins savants que de simples tendresses. » Essuyant ses yeux, il ajouta. « Mais si vous saviez combien je souffre, combien je suis malheureux, vous comprendriez pourquoi je voudrais tenter même l'impossible pour guérir ma pauvre Madeleine. » Cependant, il crut prudent de ne plus insister. Il revint plusieurs fois, après cette scène, voir Madeleine, mais il se garda de reparler de sa proposition et se contenta de recommander de bien soigner toujours ainsi sa chère malade. « C'est votre affection, mes amis, c'est votre dévouement qui rappelleront son âme et me rendront mon bonheur. » Il se tenait sur la réserve, il faisait bien. D'ailleurs, Madeleine, quand il venait, se montrait plus qu'indifférente à son égard. Elle commençait à manifester non plus de l'ennui de le voir, mais de l'aversion pour lui. Elle ne voulait plus le recevoir, lui parler, l'entendre. Quand elle l'apercevait, elle se sauvait au fond du jardin, emmenant le petit Fernand et appelant Jacques à son secours. Comme un enfant qui a peur, elle disait « Non, je ne veux pas le voir, je ne veux pas qu'il m'emmène. Jacques, mon ami, Jacques, défends-moi. » Elle se cachait avec Fernand, sa Paulette, et son ami Jacques derrière les haies, se sauvait par les bois. On ne pouvait la faire revenir que quand le comte était parti. Le comte Zigomar avait connaissance de cela. Il l'entendit un jour que les Dalmais essayaient de la faire venir pour le voir, répondre « Non, ce n'est pas Armand, non, Armand doit venir et nous l'attendons, Armand ce n'est pas lui. » Et comme toujours, prenant le bras du sergent « Oh Jacques, mon ami Jacques, gardez-moi, défendez-moi. » C'est précisément à cette influence inexplicable du sergent sur l'esprit de Madeleine que le comte voulait remédier. Toute la puissance du terrible Zigomar se trouvait aux prises avec la simple tendresse du sergent Dalmais. Zigomar vit là un danger, un gros danger pour l'avenir. Il tenait à soustraire Madeleine à cette sorte d'amour né en elle pour ce brave garçon, car il avait vu aussi combien Jacques aimait la démente. « Cet homme, ce sergent, pensa-t-il, peut m'enlever Madeleine, la détourner de moi, me la voler, par là même me voler et la dot de Madeleine et l'héritage de sa fille. Il faut empêcher cela. » Le meilleur moyen était d'emmener la démente, mais c'était impossible. Le comte ne devait pas insister pour ne pas se faire des ennemis de tous ces gens, et du bon Duranton, qui était aussi d'avis de laisser Madeleine au Ravenel, et du jeune et mordant avocat maître Thirion, dont il sentait l'hostilité. Sa situation difficile exigeait un doigté très subtil. Il ne devait rien brusquer, ne pas donner d'armes contre lui. Il comprit que la bonne politique était d'attendre, de se soumettre aux faits du présent. Le danger d'ailleurs était assez éloigné. Tant que Madeleine serait démente, rien n'était à craindre. Plus tard, s'il recouvrait la raison, il saurait intervenir et faire valoir ses droits d'époux. Pour le moment, il pouvait, sans rien craindre, permettre cette idylle sans solution possible entre Jacques et Madeleine. L'amour de Jacques pour Madeleine éclatait à tout instant, bien qu'il s'en défendît, qu'il fît tout pour le cacher. L'amour était-ce de l'amour de Madeleine pour Jacques, se montrait naïvement, simplement. Chez Madeleine, ce sentiment qui la rendait heureuse, qui la faisait sourire, eût été sans doute de l'amour s'il avait eu sa raison. Mais chez une démente, c'était vraisemblablement l'affection instinctive et entière d'une enfant pour un grand frère, pour un ami. Le cœur de Madeleine, devenu comme le cœur d'une fillette, se donnait à ce brave garçon dont l'âme vibrait au chaud rayonnement de cette femme si belle, si aimante, et qui la regardait comme un grand frère regarde une sœur malade. Mais Jacques, pourtant, souffrait cruellement. Dans le jour, il riait, il souriait à Madeleine, mais la nuit, c'est à grand-peine qu'il étouffait ses sanglots. Plus d'une fois, la vieille mère dit au père Dalmais « Entends, mon homme, là-haut, c'est notre pauvre fils qui pleure d'amour. » Et le vieux père répondait tristement « Oh, j'entends bien ma femme, j'entends bien. Ah, mon pauvre gars, notre pauvre petit haut. » Ainsi, sur les ramelles planait ce douloureux mystère d'amour, de l'amour pour une démente, amour pur et chaste si jamais il en fut, amour de la femme idéale redevenue enfant, amour d'un homme ardent et noble pour une femme intangible, pour une statue vivante, pour une sainte qui serait restée sur la terre. Il est une légende dans le pays, nous l'avons cité plus haut, vous en souvenez-vous, disons qu'une fée de la forêt, la fée de l'amour, avait été oubliée à l'époque où l'on tua les fées et les divinités des bois, des rivières, des champs. Cette fée d'amour se montre parfois aux hommes qui lui semblent dignes de son amour. Alors un roman s'ébauche. La fée croit que celui qu'elle aime est comme elle un être divin. Mais l'homme aimant, voyant que celle qu'il adore est une fée insaisissable, qu'il ne peut aimer que comme les esprits aiment, le malheureux se meurt lentement. Et l'on dit dans le pays, en voyant mourir le jeune homme d'un mal inconnu et fatal que rien ne peut guérir, il aime la fée d'amour. Cette légende venait à l'esprit des vieux Dalmais, en écoutant leur pauvre enfant pleurer, en le voyant parfois triste et douloureusement pensif au coin du bois, le long d'une haie, dans le sentier fleuri où il devait retrouver Madeleine. « Notre gars, » disait la mère Dalmais, « notre gars aime la fée d'amour. »